passe à un 4-4, c'est vite d'un pas. J'attends prochaine plaque et le concert à Dakar. La vie c'est pas de séquen, il suffit d'un AK. Les malades dégaine, j'suis prêt pour un braquage. J'étends tout même top, j'suis actif et la DA. Souvent en Dior, j'vais faire les TL. J'aime pas l'intérim, j'vais faire la BTA. En pleurs au DA, j'm'occupe plus de mes TL. J'suis dans le rover à Atto, aka Bumpy John. Gato, j'suis venu tout manger, j'ai pas de la moitié, j'suis dedans depuis jeune. Le blé c'est mon oxygène. J'ai tant, j'suis chargé comme Cardi B. Mes chèques ils vont perdre du temps. J'ai vu et chèques ils ont peur du gang. Je sais qu'ils ont peur du temps. Dans le ciel, la soudaine te livre. La tête j'en fais 20 secondes, y'a pas d'âme, je livreur. Benz, Jean-Philippe, Denny Paper. Regarde nos visages, on est pas des enfants de cœur. J'ai trop fuite, j'suis en gueule. Dans le port, j'fais des jumps. On part non-stop pendant qu'ils font des jumps. J'suis en good comme Wemby, la menthe à la Bumpy. Johnson, quand tu reçois au pussy. Bang, bang, bang, coup de cric. C'est le procédé si tu touches à ma clique. C'est tous mes brothers, c'est mon dur caché dans le flip. J'suis en ever speech, c'est l'argent qui speak. Nino, j'connais, c'est déjà les codes. Les autres ratigobes, nous on se bat pour les sommes. On a appris le trajet, pas pour les folles. Zéro limite, on peut brûler ton pote. Vif, y'a la mécane, j'suis vif. Même si j'suis pas chargé en shit, j'ai vite contrôle de Schmitt. Si une test au veto, j'suis positif. Trêve, j'les laisse à la traîne. J'suis ce micro 4 bandes, j'ai sous traîneur. J'mets pas de tri avant de faire la guerre. Y'a que pour le blé que je persiste. On détend, je roule un gros joint de weed. Comme bonne persiste, je roule jamais ma cible. Même des chill dans le ciel, la soudaine te livre. La tête j'en fais 20 secondes, y'a pas d'homme, je livre. Benz, Jean-Philippe, Daily Paper. Regarde mon visage, on est pas des enfants de cœur. J'ai trop vite, j'suis en gueule. Dans le port, j'fais des jumps. On part non-stop pendant qu'ils font des dumps. J'suis en good comme Wemby, la menthe à la Bumpy. Johnson, quand tu reçois au pussy. On parle d'un stop pendant qu'il fait des jobs. On parle d'un stop pendant qu'il fait des jobs.